Donc bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin à notre quatrième étude et nous allons ensemble continuer le sujet des épreuves. Nous avons vu que on veut comprendre les épreuves, on veut supporter les épreuves. Et ce matin, on va voir qu'il faut avoir de la douceur dans l'épreuve. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes des êtres spéciaux dans le sens que nous avons été régénérés par toi, par ton esprit. Mais nous sommes encore dans la chair. Il y a encore en nous ce que Paul appelle quelque chose qui ne veut pas faire le bien qu'on voudrait faire. Quelque chose qui ne veut pas faire le bien qu'on voudrait faire et qui veut faire le mal qu'on ne veut pas faire. Donc on a cette double personnalité, si je peux dire ainsi. Paul dit qu'on va avoir des combats entre la chair et l'esprit. Et donc dans les moments où ce que tu vas vouloir l'épreuve dans notre vie, ou ce que la tentation va venir dans notre vie, mais il va y avoir un combat entre la chair et l'esprit, ce qui est normal, ce qui va arriver jusqu'à le temps qu'on meure. Mais nous voulons donner victoire, avoir victoire, je veux dire, sur la tentation ou sur l'épreuve, par la puissance de ton esprit. Donc, aide-nous à comprendre comment nous devons agir. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Nous avons vu jusqu'à date ces juifs chrétiens qui sont dans l'épreuve à cause qu'ils ont été persécutés. Jacques les invite à voir les épreuves comme une joie parce que ça va leur donner la persévérance. Il dit, si vous avez de la misère à comprendre pourquoi les épreuves sont dans votre vie, demandez de la sagesse. Et peu importe ce que Dieu va amener dans votre vie, supportez la tentation avec patience. Ne blâmez pas Dieu. C'est votre convoitise qui vous fait tomber quand vous tombez. Parce que vous n'êtes pas satisfait de la situation dans laquelle vous êtes. Et vous voulez changer la situation et vous n'y arrivez pas. Vous demandez à Dieu de changer la situation et Dieu ne le fait pas. Donc, blâmez pas Dieu si vous tombez dans le péché, ou si vous reniez Dieu. On va voir ça un peu plus loin dans le chapitre 5, que cette pensée d'abandonner Dieu dans l'épreuve. Ce matin, nous allons continuer à partir du verset 19, et on va voir qu'il faut réagir avec douceur dans l'épreuve. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, et lent se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Jacques commence ici au verset 16 en leur disant, ne vous y trompez pas. Ça veut dire que ne vous leurrez pas. Ne vous mentez pas. Il dit, tout ce que vous avez reçu de bon, ça vient de Dieu, du Père de lumière. Il dit, dans ce Dieu-là, il n'y a pas d'ombre de variation. Il n'y a pas de changement. Dieu n'a pas changé d'idée. C'est pas à cause qu'il vous avait dit qu'il vous bénirait en Jésus-Christ que tout à coup, il ne vous bénit plus. Non, Dieu n'a pas changé d'idée. Il n'y a pas de changement en lui. Et au verset 18, il dit, il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons les prémices de ses créatures. Donc, Dieu a fait de nous ses enfants. Nous sommes même au-dessus des anges. La Bible nous dit qu'on va les juger, les anges. Les anges sont nos serviteurs. Ne vous y trompez pas. Dieu n'a pas changé d'idée. Il vous a sauvés. Et il va vous utiliser pour se glorifier. Vous êtes ses serviteurs. Il n'a pas changé d'idée. Pourquoi donc vous irritez-vous contre lui? Et c'est pour ça qu'il va commencer cette discussion sur la colère au verset 19. Donc ici, l'auteur invite ses auditeurs à bien réagir dans la tentation ou dans l'épreuve. Il dit, soyez pas trop rapide à dégainer. Soyez pas trop vite à vous mettre en colère. Soyez lent à parler. Quand on parle de colère, si on ne parle pas de la colère, encore une fois, contre un enfant, contre une femme, contre une église, contre un gouvernement, on ne parle pas de ça, là. On parle de se mettre en colère à cause des épreuves dans notre vie. C'est ça le sujet du texte. Et si vous vous mettez en colère contre qui, vous pensez? Contre les événements? Contre les événements, mais contre qui? C'est contre Dieu. Si vous vous mettez en colère contre Dieu, faites attention. La mise en colère n'est pas toujours... on pense des fois que c'est ceux qui se mettent en colère, c'est ceux qui gueulent, ceux qui crient, puis ceux qui se donnent tout rouge, puis qui tapent dans les murs. Non, il y en a quand ils se mettent en colère, ils pleurent, ils boudent, ils dépriment. D'autres gueulent. D'autres vont rester muets, d'autres vont s'isoler. La manifestation de la colère peut être bien différente d'un homme à une femme ou d'une jeune à un vieux. Ils disent, mettez pas en colère. Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Si tu te mets en colère dans le moment de l'épreuve, de la difficulté, ou devant ce qui arrive dans ta vie, ça ne va rien accomplir pour Dieu. Tu n'agiras pas comme un bon serviteur. Mais il dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Avec douceur. Vous savez que le mot douceur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme qu'on employait pour, qui voulait dire, quand on dit que c'est un cheval qui était docile, c'est un cheval qui se laissait conduire facilement. Le mot douceur, c'est un bateau, c'est le mot utilisé aussi pour un voilier, qui était facile à conduire. C'est un homme doux, c'est pas un homme qui est mou, là. Faut faire attention, là. On parle pas d'une personne, cette là, qui a un caractère, une personnalité douce. Mais c'est quelqu'un qui se laisse conduire par la parole de Dieu. Il dit, vous avez reçu la parole de Dieu. Recevez-la, cette parole. Acceptez ce que Dieu vous a dit. Acceptez ce que Dieu vous montre, ce que Dieu veut dans votre vie. Acceptez la vie qu'il a planifiée pour vous. Ça va sauver vos âmes. Mais si vous vous mettez en colère contre Dieu et que vous rejetez Dieu, verset 22 dit, mettez en pratique, ne vous bornez pas à l'écouter. Vous vous souvenez, je vous ai parlé hier de la sagesse juive. Tu l'as reçu, tu l'as entendu, tu dis que tu l'as accepté, mais mets-la en pratique. C'est pas comme un homme là, qui se regarde ou une femme qui se regarde dans le miroir, qui est tout décoiffé, puis qui est toute sale, puis ah, oh, je suis toute sale, puis ça en va, puis se lave pas. Ou il se peigne pas. Il dit, si tu as reçu la parole de Dieu, passe à l'action. Sois sage. Passe à l'action. Accepte ce que Dieu a mis dans ta vie. Soumets-toi. Vous savez, des fois, on met tellement d'emphase sur le fait d'arrêter de faire des choses et de commencer à en faire d'autres. Fais pas ceci, ne touche pas cela, ne mange pas ça, ne regarde pas ça. Plutôt de voir que la soumission ou la douceur dans l'épreuve, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Parce que ça démontre qu'il est plus sage que nous. On croit qu'il est plus brillant que nous, plus fort que nous, plus intelligent que nous. Seigneur, je ne sais pas pourquoi on passe par tous ces événements, mais je sais que tu es sage et tu veux mon bien. Je sais que tu veux te glorifier à travers cela. Je l'accepte. J'accepte ce que tu amènes dans ma vie. Et d'ici au verset 25, et d'ici tu as plongé le regard dans la loi parfaite, ce qui veut dire la même chose que la parole que tu as reçue et toutes ces choses-là, la loi, la liberté, c'est tous des synonymes, selon moi, de la parole de Dieu que tu as reçue. Et que tu y auras persévéré. Voyez-vous le même terme? Si dans l'épreuve tu es patient, la patience va produire en toi la persévérance et va t'emmener jusqu'à la perfection. Va t'emmener jusqu'à la couronne de vie. Et tu vas glorifier ton Dieu. Tu vas servir ton Dieu à t'en allant. Tu n'es pas un auditeur oublieux. Mais tu te mets à l'œuvre. Tu vas être heureux dans ton activité. Même dans ces moments-là, que le monde, lui, pense qu'on devrait être déprimé, démoli. Il y a des gens qui pensent qu'on devrait faire comme la femme de Job disait, « Maudit Dieu et meurs! T'as tellement de misère! Dieu, pourquoi Dieu permet ça dans ta vie, Job? » On va voir, il va revenir avec Job à la fin. Le seul exemple, je pense, dans l'épître de Jacques, le seul exemple, c'est Job. Il faut comprendre hein, le texte. Il est en train de parler à des gens qui peuvent s'identifier avec Job. Il dit, tu vas être heureux dans ton activité si tu acceptes avec douceur, avec soumission, avec patience, ce que Dieu amène dans ta vie. Mais si tu te rebelles, si tu essaies d'en sortir, si tu convoites une autre situation, si tu convoites l'autre frère, l'autre sœur, le voisin qui n'est pas croyant, si tu convoites d'autres situations que celles que Dieu t'a données, tu vas être malheureux. Tu vas trouver ça dur. Tu vas dire, ah, pas facile la vie chrétienne, pas facile. Non, on n'a pas le choix. Hein? Faut bien que ça aille bien, on n'a pas le choix. Ben oui, tu as le choix. Et oui, la vie chrétienne, c'est facile. Dans un certain sens, tu te soumets. Tu n'as pas à inventer la roue. Tu n'as pas à être un diplômé de Harvard. Tu n'as pas à être quelque chose que Dieu t'es pas capable de faire. Tu as à accepter, à te soumettre avec douceur, avec patience, à ce que Dieu fait dans ta vie. N'essaie pas de contrôler ta vie par la prière. Mais par la prière, acceptons. Demandons à Dieu qu'il mette en marche le fruit de l'esprit. Parce que le fruit de l'esprit, c'est la patience, c'est la douceur, c'est la joie, c'est l'amour. Ça, c'est les fruits d'esprit, frères et sœurs. Que l'esprit qui est en nous, il peut nous donner ça. Il va nous donner ça. Si on se soumet avec douceur à ce que Dieu envoie. Combien des fois on va arriver dans un moment de l'épreuve ou de tentation? Je vous ai dit que la tentation et l'épreuve, c'était les deux facettes de la même pièce de monnaie. D'un bord, on appelle ça épreuve. D'un bord, on appelle ça tentation. Si par la grâce de Dieu, je passe à travers l'épreuve et que je la supporte avec douceur, c'est une épreuve et ça m'amène plus loin dans ma vie chrétienne. Si c'est l'autre bord, c'est une épreuve, Satan va s'en servir, le diable va s'en servir pour me faire tomber, me faire renier Dieu, me faire rejeter Dieu. Tu vois bien que Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, il ne permettrait pas ça. Notre chair pense de même. Satan va venir appuyer ça. Le monde va appuyer ça. Mais par l'Esprit de Dieu, nous, on va accepter ça. Un peu comme, on va voir comme Job. Et si on fait ça, la couronne de vie est pour nous. Puis il dit à la fin du verset 26 et 27, « Si quelqu'un se croit religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme-là est vaine. Si tu n'acceptes pas ce que Dieu veut dans ta vie, ta vie chrétienne, elle est vaine. Ta foi, elle est vaine. Ta vie chrétienne, elle va être vaine. Tu es toujours en rébellion. Tu es toujours en rébellion. Il n'y a pas tellement longtemps, je parlais avec un frère et j'ai dit, frère, tu es toujours en rébellion avec ce qui arrive dans ta vie. Veux-tu accepter ce que Dieu t'envoie? Veux-tu te soumettre? Tu peux-tu croire que Dieu est plus sage, plus intelligent, plus prévoyant que toi? Dieu veut se glorifier en t'utilisant et te fait un grand privilège. Mais toi, ce que tu veux, c'est d'utiliser Dieu afin d'avoir la vie que tu aimerais avoir si bon. Avoir un bon mari qui va changer, avoir une belle femme qui va se soumettre, avoir des enfants obéissants qui vont tous devenir chrétiens, tu voudras avoir une belle job, des belles vacances, une belle retraite dorée. Et quand tu ne l'as pas, tu te mets en colère. Tu te mets en colère. Tu te frustres. Tu te rebelles. Et tes paroles le manifestent. Personnellement, des fois, j'écoute les gens prier et leur prière est une manifestation de colère contre Dieu. Ils n'acceptent pas ce que Dieu envoie dans leur vie. Et aussitôt que ça arrive, ils convoitent une autre situation et ils demandent à Dieu, « Change la situation, Seigneur. Enlève ça de ma vie, Seigneur. Je ne veux pas vivre ça, Seigneur. » Ils sont en rébellion. Qu'ils le disent en pleurant, ou qu'ils le disent en souriant, ou qu'ils le disent avec une voix forte parce que ça manifeste un tempérament plus fort, ça ne change rien. Il dit, la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à deux choses. Visiter les veuves et les orphelins et se préserver des souillures du monde. Donc, occupe-toi des veuves, des orphelins, des autres qui sont autour de toi. Arrête de te regarder le nombril et occupe-toi des autres. Et éloigne-toi du péché. C'est tout ce que c'est la foi chrétienne. C'est pas compliqué, hein? Aime ton prochain comme toi-même. Éloigne-toi des souillures du monde. Et la plus grande souillure du monde, c'est de refuser ce que Dieu veut pour nous. Refuser de se soumettre, refuser d'être des créatures, refuser d'être des serviteurs. Et on convoite autre chose. Et en tant que pécheur, en tant qu'humain, on convoite la place de Dieu, pas moins que ça. Et on essaye de contrôler Dieu et de prendre sa place. Notre Père du ciel, nous voudrions être des hommes et des femmes qui sont reconnus pour être des gens doux. Heureux les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les débonnaires, ça veut dire la même chose. Aide-nous à être doux dans l'épreuve, dans la tentation, de supporter patiemment, de ne pas juste être des grands parleurs, mais aussi qu'on se mette à l'œuvre. En l'œuvre, dans le sens qu'on va accepter ce que tu permets dans notre vie, on va s'y soumettre, et on va proclamer la bonté de Dieu dans ces moments-là. On va proclamer l'évangile de Dieu dans ces moments-là. On va proclamer la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu dans ces moments-là. On va continuer, au lieu de se plaindre, de s'occuper des veuves et des orphelins. On va continuer à vouloir s'éloigner de la pensée mondaine et on va se soumettre à Dieu. C'est ainsi que nous allons te glorifier comme étant tes serviteurs et tes servantes. Au nom de Jésus. Amen.